forme de TD, une particularité, qui se rapporte aux prescriptions et aux prescriptions particulières pour le contrôle de la Vous allez voir donc que c'est un cours qui va faire appel. Il y a des choses à comprendre, des choses à apprendre. Mais ce qu'on va noter, s'il vous plaît, vous allez noter l'essentiel. Et vous êtes censé sortir de ce cours en ayant appris ce cours. C'est-à-dire les grandes lignes sont retenues et apprises. Si vous ne suivez pas, vous m'arrêtez. D'accord ? Il va dans ce cours, on va comporter deux choses. Il va comporter des notions sur les risques, d'accord, et un peu l'importance de la prescription chez une femme enceinte. Et la deuxième partie va porter essentiellement sur des exemples. Bon, c'est des exemples qui sont en relation avec la pharmacologie spéciale, c'est-à-dire avec la thérapie. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes, sauf qu'on va expliquer le pourquoi. Et on va les situer à différents stades qu'on va voir tout de suite. Donc le plan est comme suit. On commence par l'historique. Dans l'historique, ce soir, donc, il y a des choses à dire, des choses à retenir. On en a parlé, parce que vous allez voir que souvent, il y a un rapport avec la pharmacovigilance et avec les interactions. Donc la femme enceinte sera un exemple illustratif. La thalidomide, qu'on connaît, on en a parlé dans la pharmacovigilance, c'est un des médicaments qui a causé le plus de problèmes. Et c'est à partir de ce médicament qu'on a commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant que tous les médicaments présentent un risque d'un effet tératogène. C'est un médicament, malgré ses études, en AMR, puisqu'il y a eu l'autorisation de mise sur le marché, il y a eu des études de pharmacovigilance, mais on constate que ce médicament, après 5 ans d'utilisation, eh ben, on a eu quand même 12 000 cas de malformation. Aussi bien des membres, la photo des muscles cardiaques et essentiellement également au niveau rénal. C'est à partir de 1962 qu'on a commencé carrément à se dire qu'il faut faire attention quand on prescrit des médicaments chez une femme enceinte. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que femme enceinte, parce que parfois il y a des interrogations qui subsistent. Et bien, il faudrait faire très attention. D'accord ? Donc en grand 1, vous mettez historique. Vous mettez l'utilisation de la thalidomide. L'utilisation de la thalidomide. La thalidomide est un hypnosédatif. C'est l'exemple maintenant de classe marfroxène, de l'exomique. D'accord ? La thalidomide, médicament hypnosédatif, médicament hypnosédatif, commercialisé après AMM, commercialisé après AMM. À entraîner, après AMM, c'est autorisation de mise sur le marché. A entraîné l'apparition de 12 000 cas de malformation. A entraîné donc l'apparition de 12 000 cas de malformation des membres cardiaques et rénaux. Depuis 12 000 cas d'information, donc mort, cœur et mort. 12 000. C'est bon ? Ceci a entraîné. entraîner ceci, à entraîner le signal d'alarme, ceci, à entraîner le signal d'alarme quant à l'utilisation, plus long, UANT, quant à l'utilisation de n'importe quelle molécule, chez la femme enceinte. Puisqu'on a parlé de malformation, d'accord ? On dit qu'on a eu donc des risques. La malformation est appelée à l'élevé tératogène. Par un grand de définition de la tératogénèse médicamenteuse. En grand 2, définition de la tératogénèse sont un développement fœtal insuffisant, d'accord ? Une insuffisance du développement. L'avortement, l'insuffisance du développement fœtal. Tu vois. La tératologie, c'est donc une perturbation. Que cette perturbation soit sur la base d'un mauvais développement de la structure, d'un tissu, d'un organe jusqu'au fœtus, soit il y a un dysfonctionnement, pas structural, mais fonctionnel. D'accord ? On est bien d'accord sur vous. Ceci se traduit par quoi ? Qu'est-ce qu'on peut entendre par ça ? Eh bien, on a soit un enfant qui naît avec un poids très insuffisant, d'accord ? Ou avec quelque chose qui lui manque, ou il a quelque chose en plus. Au lieu d'avoir 5 doigts, il a 6, etc. Il y a donc, qu'est-ce qu'on entend également ? par ces manifestations ou un effet tératogène, c'est un avortement. Soit également une mort in utero, d'accord, parce que c'est différent. L'avortement, c'est que le fœtus est vivant. Là, c'est différent, il y a une mort in utero, donc c'est différent. Et on va les voir au fur et à mesure. Soit carrément autre chose, un effet carcinogène, d'accord, ou carrément des malformations multiples. Donc, je reprends, les manifestations sont soit un développement insuffisant, d'accord, un développement fœtal insuffisant, soit, virgule, un avortement, virgule, une mort in utero, virgule, un effet ou un processus carcinogène, un cancer, et en dernier, des malformations, ou l'apparition de malformations. Voilà ce qu'on entend par les différentes manifestations. Donc, elles peuvent être sur le plan de construction, soit sur le plan de fonction. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Troisième généralité. Alors les généralités, en grand temps, vous allez voir, il y a le calendrier. Je vais dire une seule phrase. Vous n'allez pas prendre ce tableau, je vais faire un tirage. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre, mais c'est pour vous, ça va vous servir. Pourquoi ? Le calendrier, eh ben, vous allez voir qu'il y a deux choses. Que l'effet tératogène va dépendre non seulement de la molécule, du médicament, mais également du stade où se fait le développement. Et en fonction du stade, eh ben, vous avez une prédilection d'un organe qui va être affecté, beaucoup plus que d'autres. Généralement, il est dit que les trois premières semaines, c'est le système nerveux central qui est le plus sensible, le plus affecté, que ce soit une atteinte structurelle ou fonctionnelle. Après, quand on dépasse la troisième semaine, c'est le cœur, et c'est là où on a des malformations, et on va voir des exemples avec le traitement avec le lithium, et on a au fur et à mesure l'œil, les membres, les gonades, et en dernier, on a les organes génitaux masculins et féminin. Et c'est pour cela qu'il y a souvent, à la, les derniers mois, les derniers, je dirais les premiers trimestres, on a beaucoup de problèmes, surtout quand on donne des hormones qui sont mal dosées, et on a souvent la féminisation des mâles et la masculinisation des femelles. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la prescription, en tenant compte, donc surtout les hormones sont souvent contre-indiquées entre le 50e et le 150e jour, c'est-à-dire à la fin du premier trimestre. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, si vous avez noté le calendrier de la tératogenèse, vous notez tout simplement que, en fonction donc, de la nature du médicament, et du cycle du développement fœtal, l'impact sur un organe est différent. Après A, le calendrier, vous avez B, le but. Ce que vous devez retenir, c'est un peu compliqué. Pour ne pas dire un peu compliqué, c'est trop compliqué. Si vous pensez que les données du Vidal, et j'ai noté cette phrase, vous n'avez pas noté, eh bien les données du Vidal ne vous aideront jamais. Pourquoi ? Parce que dans le Vidal, on met toujours des notions que c'est des médicaments qui sont probablement tératogènes, peuvent provoquer, mais on vous dira très peu de molécules où on dit que ce médicament a un effet tératogène. Très peu de molécules. Et on va voir le pourquoi. au fur et à mesure. Donc j'ai dit que si bien que les notices du vida nous laissent très souvent perplexes. C'est vraiment... Vous êtes au milieu. Vous ne pouvez pas dire oui si on vous posera la question, et vous ne pouvez pas dire non. C'est déjà compliqué. Bien que, j'ai dit, et ça c'est ce qu'on va noter, bien que les études créatoires sont effectuées sur des animaux, d'accord, eh bien, souvent, l'extrapolation, parce que la question qu'on se pose, souvent les animaux, quand on fait des tests sur les animaux, eh bien, l'effet tératogène n'est pas observé. Cela ne veut en aucun cas dire que si sur l'animal l'effet est négatif, sur l'homme ou sur la femme, il ne sera pas positif. Et l'inverse, rien ne nous dit que si sur l'animal on a un effet tératogène, il sera obligatoirement vrai chez la femme. D'accord ? Donc, quel que soit, le but est utopique. C'est pas clair, c'est pas fondé, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est pour cela que vous notez. Bien que les études effectuées sur les animaux. Les études effectuées sur les animaux n'est pas mis en évidence. N'a pas démontré. N'est pas mis en évidence. C'est-à-dire n'a pas démontré. Bien que les études sur les animaux n'aient pas mis en évidence d'effets tératogènes. On ne doit administrer un médicament. On ne doit administrer un médicament en cours de process que lorsque la nécessité soit réelle. Et sous contrôle médical. Et sous contrôle médical. En fait, c'est cette grosse phrase qui est embêtante. Donc, se résume en quoi, en fait ? Si quelqu'un peut me dire deux mots. Qu'est-ce que vous ? Je dois donner. Vous serez dans l'obligation de traiter. On est bien d'accord. Maintenant, si vous devez traiter une femme enceinte, il faudrait choisir des molécules. Mais les molécules qui présentent. Merci beaucoup. Le terme, c'est le moindre risque. Le moindre risque. Ça, c'est. Et vous allez voir qu'on va parler d'autre chose tout de suite. Ça, c'est d'abord l'idée de base. Vous devez prescrire le médicament qui présente le moindre risque. D'accord ? C'est pour ça que j'ai dit nécessité réelle. Que si, il se voit parce que vous n'avez pas le choix. Vous devez, et là vous devez le faire sous contrôle médical. Chirac, vous allez acheter les médicaments et je ne vois pas, chose qui arrive très très très souvent, et c'est pour cela qu'on a des gros gros problèmes en gynécologie obstétrique. Ça vous savez, c'est un des services qui est en justice tout le temps. D'accord ? Pourquoi ? Parce que 90% des malades, des femmes, quand elles se font suivre, c'est soit en ambulatoire, soit chez le privé, gynécologue. Et quand elle va accoucher, trouve CHU, ou là, ils sont là, ou là. Il n'y a aucun dossier de suivi. Et on tombe sur des gags parfois, soit c'est la mère qui encaisse, soit c'est le bébé, soit les deux. D'accord ? Et surtout quand il s'agit d'une primipare. Ça, c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors, j'ai dit que si on doit prescrire, il faut le prescrire avec moins de risques, et si seulement c'est vraiment nécessaire. D'accord ? Parfois, pour une simple grippe, non. Il faut quand même laisser les moyens à ce que l'organisme se dépense. Maintenant, s'il y a problème, oui, et quand on le fait, il est sous votre responsabilité. C'est pas la peine de prendre ça, c'est pour tout simplement résumer ce que j'étais en train de dire. Parce qu'il y a un autre problème qu'on ne voit pas. Souvent, quand donc j'ai dit qu'il y a un risque réel, on doit prescrire. Vous êtes obligé. Il y a un risque réel. À ce moment-là, on sait que tous les médicaments présentent un risque. On n'a pas le choix. Mais le problème se pose, et il se posera à vous, dans deux cas de figure. Vous avez deux problématiques. Le premier problème, c'est quand vous donnez un traitement à court terme, vous avez moins de problèmes. C'est un traitement d'une semaine, 10 jours. Le risque, j'ai dit, et je le réitère, comme j'ai dit à vos camarades, si je dis que le risque n'existe pas, si vous cochez, c'est que vous n'avez rien compris à la pharmacopée. Il y a toujours un risque. Même s'il est minime, il existe. D'accord ? Et le problème se pose, c'est quand vous aurez un traité, ou là que vous avez une femme diabétique, une femme qui est épileptique, qui est tombée enceinte. D'accord ? Ça, c'est le premier problème. Est-ce que vous devez donner un traitement aigu ou chronique ? Et à ce moment-là, la période de risque, d'accord ? Il y a deux choses. Souvent que vous ignorez et que la personne elle-même ignore, c'est qu'elle est enceinte. Souvent, donc, dans les premiers, la première semaine, elle ne sait pas. Elle est venue pour quelque chose. Vous posez la question, du coup, non, pas de problème. Et vous vous engagez à donner un traitement, en sachant que la bonne dame n'est pas enceinte. Et là, tout simplement, la recommandation de l'OMS dit tout simplement qu'il faut raisonner en termes que la femme est susceptible d'être enceinte. Raisonner quand vous donnez qu'elle soit enceinte. Tout simplement. Vous avez moins, c'est-à-dire vous minimisez le risque. Pourquoi ? Parce que tout dépend de la pathologie. Si vous donnez un traitement assez long, et que ce médicament a un temps de demi-vie long, en supposant que c'est un traitement de 1 mois, si son temps de demi-vie est long, eh ben, le médicament va rester pendant 5 mois, 6 mois. Si entre-temps, en arrêtant le traitement, elle tombe enceinte, et que c'est des médicaments qui sont proscrits, ça poserait problème. Et c'est pour cela, souvent, il y a des avortements. On a oublié qu'il y a pour elle, elle a pris ce traitement il y a 20 jours. Et puis, 2 mois après, elle fait un avortement. On ne met jamais la relation cause-effet. Et on revient à ce que je disais maintenant. J'illustre, exemple, avec la pharmacovigilance. C'est d'écarter, quand on veut établir cette relation, de dire le lien de causalité. Est-ce qu'il n'y avait pas, il n'y a pas autre chose que le médicament qui a provoqué? Parce qu'on peut dire que c'est le médicament qui a provoqué l'avortement. Mais est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Donc c'est une question auquel vous devez répondre. Et donc la meilleure façon, quand on met un traitement, c'est de poser la question, ne serait-ce que sur le cycle, et de raisonner sur une probabilité, même si c'est elle est sur 100, de dire que la femme que vous allez traiter est enceinte. Ou soit enceinte. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit que le but, conclusion, c'est de raisonner sur le fait que vous allez donner un traitement, de tenir compte du temps de délivrance, de tenir compte de la durée du traitement et de tenir compte que la femme est probablement enceinte. On est bien d'accord ? Les objectifs. On va les noter, on va les expliquer. On est bien d'accord jusqu'à présent ? On a défini ce que c'est un effet tératogène. D'accord ? Maintenant, ça va être l'historique, c'est de l'histoire. Bien que l'histoire, on en a toujours besoin, mais ça restera tel. Ce que vous devez noter, c'est qu'un effet tératogène, soit il est d'ordre structural, soit fonctionnel. Les conséquences, vous les connaissez. On est d'accord ? Oui. Maintenant, quand on traite une femme, il faut tenir compte de quoi ? Du temps de vie de la molécule. Donc, il faudrait d'abord autre chose, le mot-clé. Le premier mot-clé, ce que ce traitement soit obligatoire, nécessaire. C'est que la nécessité doit être réelle. Et à ce moment-là, si nécessité elle est, il faut tenir compte du temps de demi-vie, de la durée du traitement, et que la femme probablement enceinte. C'est pas long. Vous avez appris ça. Khlas. Alhamdoulilah. On passe aux objectifs. Avant de noter, qu'est-ce qu'on dit? Si vous devez tenir de ces paramètres, je vais sauter aux mots-clés. Avant de revenir. Les mots-clés sont en rouge. Qu'est-ce qu'il est dit? Il y a une barrière fait autoplacentaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de barrière fait autoplacentaire? Il n'est pas sélectif. Il n'y a rien, tout passe, sauf les grosses molécules, qui les certains immunosuppresseurs, l'insuline et autres. Donc tout passe. Donc là, vous avez un gros problème. Il n'y a pas de, on ne peut pas tenir lequel. Je vais tenir de la liposolubilité, de ça, rien, tout passe. Donc, bébé à nourriture violée. On écarte. On passe au rapport. Et on va le voir dessus au fur et à mesure. Il faut calculer le rapport bénéfice-risque. On va voir. Est-ce que le bénéfice est supérieur au risque ou pas? Si le rapport bénéfice-risque est supérieur à 1, tant mieux. Mais s'il n'est pas, il faut tourner sa langue cette fois. Pour ne pas dire son stylo avant de rédiger. On est bien d'accord? On met, il y a l'effet kératogène. Pour cela, si vous avez gardé ces mots-clés, je vais revenir maintenant en haut ce qu'on doit éviter, ce qu'on doit retenir. C'est que il faut d'abord connaître le risque du médicament. Est-ce que le médicament présente un risque? Et vous pouvez le savoir que par rapport. Non. Non. Non. Non, l'effet, c'est un effet tératogène. C'est ça. On s'intéresse à cet effet. Par quoi vous pouvez savoir? Non. Plus simple. J'ai dit que le vida ne vous aidera pas. Il y a une structure, mais. Eh bien, tout. Je vais dire que les anticancéreux sont. Plutôt la classe. Je vais vous dire l'exemple qu'on connaît très bien, c'est les rétinoïdes, la vitamine A. La vitamine A est connue comme étant tératogène. Même pour utiliser comme crème. Oui. Ça passe. Oh, vous faites là un truc. Ah, c'est eux. Classe, tu as un épargne enceinte, il n'y a pas de problème. Elle a tout le temps. C'est la première question qu'on doit poser. On est bien d'accord, il y a des molécules. Mais comment? Non, plus simple. On en a parlé en pharmacovigilance. Je suis sûr que le petit chakra en pharmacovigilance. Oh. Comme ça, on va se rappeler. Oh non, là. Je suis un monsieur un peu, ça m'a gardé. Ou un ou zéro. On dit gaffe là, notre texte, je dis 15 ans de chahal 5. Alors là, je vais oublier le 1. Sur quoi? Sur quelle base? Je vous ai dit avant de je vous ai glissé un tout petit peu parce que ce cours, vraiment, est une illustration de ce qui vous attend. C'est vraiment le meilleur exemple. C'est-à-dire, en pharmacologie, on avait appelé ça une étude bibliographique. On avait dit qu'il y avait deux facteurs. Il y avait la sémiologie, tout ce qui se rapporte, et à l'étude bibliographique. Est-ce qu'il y a des cas qui ont été décrits? Il y a une étude, des études, une ou pas du tout. Là, c'est... Vous allez voir qu'on va le voir deux fois. Deuxièmement, on a un gros problème. C'est les particularités qu'on va voir. Les particularités de la femme enceinte sur le plan cinétique. Elles sont différentes d'une femme non enceinte. Je ne vais pas dire normal. Parce que si j'ai dit qu'une femme normale, c'est que la femme enceinte est anormale. Donc une femme non enceinte. D'accord? Troisièmement, c'est connaître les règles de maniement. C'est quoi les règles de maniement? Radoff, l'examen, il n'y aura pas ce peut-être, je peux changer. C'est quoi pour vous les règles de maniement? La régularité de. C'est pas faux, merci beaucoup. Je vais résumer moi ça en un mot. Merci beaucoup. La posologie, c'est tout ce qui se rapporte à la thérapie. La posologie, la voix, la dose, etc. Avant, après, etc. Tout ce qui se rapporte. C'est ça le maniement. Être capable de trouver et d'interpréter. Parce qu'on peut trouver. Est-ce qu'il faut être également capable d'interpréter quoi? D'interpréter les informations. C'est-à-dire, je vais me rabattre à quoi? faire quoi? Non, c'est plus mettre dans la pause. Suivi. Hein? C'est pas le suivi. Interpréter quoi? Interpréter les risques. Le risque et les signes. Et comment vous allez les interpréter et les... Il faudrait les, d'abord les trouver. Regarde-moi si je mets dans un cours ou dans un sujet, je mets prouver. En gros, je me suis en relate. En prouver est une chose et trouver est une autre chose. On ne peut pas toujours trouver ce qu'on peut prouver. Et on ne peut pas prouver toujours ce qu'on peut trouver. Ça, vous le savez. Vous ne savez pas? Si, khlas. À la belle coupe. Ok, à la belle coupe, donc. Qu'est-ce que vous allez trouver? Trouver et interpréter. Par quel biais? Par quel moyen? Suivi de quoi? Capable, pardon? L'information. Le terme, c'est l'information. Ce que vous avez dit, le risque et le signe. C'est toujours l'étude bibliographique. Et si maintenant, ça va se rabattre sur quoi? Il y a un autre thème. C'est faire l'étude d'incidence et de fréquence. C'est l'épidémiologie. Carrément. Tu vois, non? J'ai dit que, on va y revenir. J'ai dit, on vous demande de quoi? Avant de prescrire, il faut que vous ayez des moyens. Des moyens pour pouvoir. D'accord? Si vous voulez enlever un pneu, il vous faut un cric. À part lequel vous êtes Hulk. On est bien d'accord? Les moyens, c'est quoi? Le premier moyen, c'est d'abord bien maîtriser les données pharmacocinétiques d'une femme enceinte. Et vous allez voir qu'en fonction de l'évolution de la grossesse, les facteurs pharmacocinétiques vont varier. Donc il faut les maîtriser. D'accord? Quand vous allez choisir un médicament, s'il est nécessaire de le donner, il faut maîtriser que ce médicament possède ou pas un effet tératogène. Deuxième également élément, c'est que ce médicament, si vous le donnez, ou là que vous l'avez déjà donné, peut présenter un risque. Eh bien, il faudrait avoir les moyens de diagnostiquer, et beaucoup plus également, d'évaluer ce facteur de risque ou cette manifestation. C'est de trouver, et j'ai dit interpréter, c'est-à-dire d'établir le lien de causalité. Et mais pour cela, il faudrait que vous ayez également des études. Il faut comparer avec ce que vous avez donné chez une femme au premier. Si vous allez ouvrir et vous allez lire en majorité en disant que ce signe, dans toute la bibliographie, sur le plan d'incidence, se retrouve essentiellement au premier trimestre. Et vous l'avez découvert au troisième trimestre. Il y a autre chose. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit, c'est de trouver et permettre une interprétation. Il faut interpréter. Ce n'est pas d'établir que c'est blanc, c'est blanc. Il y a malformation, vous arrêtez là. Non, il y a malformation, il y a risque de malformation, mais il faudrait établir l'explication. Et là, vous deux, vous êtes obligés d'aller au fond de la chose, parce qu'au départ, l'information, connaître le risque, ça se rapporte uniquement aux médicaments. La bibliographie a été faite sur l'étude du médicament. Est-ce que ce médicament présente ou pas un risque tératogène? Point. Maintenant, non, vous êtes en face d'un problème, c'est-à-dire qu'il y a apparition. Donc il faudrait, s'il y a un risque qui peut apparaître ou qui est apparu, il faudrait d'abord le trouver, d'abord, et deuxièmement, l'interpréter. Donc c'est en rapport avec la pathologie ou le signe ou le risque. C'est plus lié au médicament. C'est-à-dire que si vous faites une étude biographique, l'étude biographique repose sur, plus sur le médicament comme on l'a dit, sur carrément la malade. On est bien d'accord ou pas? Est-ce que c'est clair? Et en dernier, c'est les quatre, j'ai dit qu'il faudrait, et on va les voir au fur et à mesure. Donc, établir un risque sur le médicament, quel est le risque du médicament? Parce que ce qui est valable, on va le voir, des exemples, ce qui est valable au premier trimestre ne l'est pas valable au troisième trimestre. C'est-à-dire qu'on peut donner le médicament au premier trimestre, mais pas au troisième. On peut proscrire au premier trimestre, mais on peut le donner au troisième trimestre. comme il y a des médicaments qui sont interdits pendant toute la grossesse. On est bien d'accord, ça, c'est la médecine. Connaître les particularités qu'on va voir, connaître les règles de prescription, parce que vous êtes obligé d'adapter une posologie chez la femme, et on va voir ces paramètres sont conditionnés par les cyniques, parce que la posologie va être variable. Et en dernier, s'il y a un risque, il est construit. Vous êtes, et vous devez être capable de le trouver et d'interpréter. On est bien d'accord? Vous notez ce que vous voulez. D'abord, connaître le risque. Connaître le risque médicamenteux. C'est pas la peine d'écrire sur le fœtus et tératogène, ça serait bon. On est dedans. Donc, connaître le risque médicamenteux. Deuxième objectif, connaître les particularités pharmacocinétiques. Connaître les particularités pharmacocinétiques. Troisième objectif, connaître toujours les règles de maniement, c'est-à-dire d'utilisation. Connaître les règles d'utilisation ou de maniement des médicaments. Et en dernier, être capable de trouver et d'interpréter les informations. Capable de trouver et d'interpréter les informations. Je dis que pour cela, il faudrait maîtriser les notions. Pour cela, je vais trop vite. Donc, pour cela, il faudrait maîtriser trois notions. D'abord, la notion, premier tiré, de la barrière phéoto-placentaire. Il ne faudrait jamais l'oublier. On parle de barrière, mais c'est faux. Quand on parle de barrière, on va dire que c'est quelque chose. Et rien. C'est une barrière virtuelle, en d'autres termes. Donc, maîtriser la notion de barrière phéoto-placentaire. La notion, deuxième notion, c'est la notion du rapport bénéfice-risque. Notion rapport bénéfice-risque. Et la troisième notion, c'est médicament tératogène ou la tératogénèse. Soit médicament tératogène ou la tératogénèse, c'est-à-dire tout le processus. On est bien d'accord ? On a quatre objectifs. C'est maîtriser que le médicament. Les trois mots, je vais les recouper. Les trois mots, les trois notions. J'ai dit qu'il faut savoir avoir assez d'informations sur le médicament. On est bien d'accord ? C'est-à-dire que le médicament est tératogène ou pas ? Par l'étude d'information. Je reviens à la troisième notion. Deuxième truc, sur la femme. Il y a deux choses, la notion de barrière phéoto-placentaire. Tout passe. Mais par contre, on a une notion qu'il faudrait maîtriser. C'est les données pharmaco-cinétiques. Qu'on va voir tout de suite parce qu'ils sont variables et ça va poser des problèmes. Et je vous demande d'être très attentif sur ça. D'accord ? Il nous reste l'histoire du rapport bénéfice-risque. Est-ce que quand on donne un médicament chez un homme, par nécessité, est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Mais je vous demande, s'il vous plaît, quand on parle de risque, c'est quoi pour vous le risque ? Merci beaucoup, ce que vous avez dit, mais c'est ce que je voulais, mais très bien. Parce que quand on mesure le risque, c'est pas de donner le médicament pour bousiller le bébé et garder la maman. Ou là, on donne un médicament pour que le bénéfice soit bon pour la maman et il ne le soit pas pour le fœtus. Le rapport bénéfice-risque sous-entend aussi bien l'un que l'autre. La femme est enceinte, il faut préserver les deux. Maintenant, s'il y a un risque, eh ben, il faut le mesurer beaucoup plus pour la maman. C'est beaucoup plus pour la maman et pas pour le fœtus, parce que si on est obligé, on peut faire des interruptions de grossesse. D'accord ? Ça ne sert à rien d'avoir souvent, quand il y a des enfants mal formés, alors c'est quelque chose qui est mauvais pour l'enfant qui se développe avec des malformations, mais encore pire pour des parents qui vont également avoir ce problème. La Katib Allah, on ne va pas fuir, mais il faudrait minimiser au maximum ce dégât, parce que maintenant la science a évolué et les données de diagnostic ont avancé pour faire plutôt de la prévention que de donner en aveugle. Maintenant, en quatrièmement, c'est les paramètres de modification chez la femme enceinte. Les paramètres de modification sont de deux ordres. Le grand A, c'est paramètres cinétiques. Et le deuxième paramètre, c'est quoi d'après vous? Non. On a déjà dit ça, on le replace maintenant. La barrière. La barrière, là, c'est... Au départ, j'avais dit qu'il y a le risque, ça dépend du médicament et... De l'évolution. Très bien, de l'évolution. C'est-à-dire du stade. Du stade du développement. Donc, on met en grand temps les paramètres cinétiques. Dans les paramètres cinétiques, on va parler d'absorption. Dans l'absorption, avant que vous notez quoi que ce soit, il y a trois éléments qui sont en gras que vous allez prendre. C'est tout. En gras, c'est quoi? On a constaté que chez la femme enceinte, il y a une diminution de la motilité gastrique, il y a une diminution du péristaltisme intestinal et une diminution du pH gastrique. Point. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? Diminution de la biodisponibilité. Je m'excuse, mais il a été constaté que 30 à 50% de biodisponibilité augmente. Les concentrations maxima augmentent. Pourquoi? Il y a plus de temps d'absorption. La biodisponibilité est importante puisque la vitesse va augmenter. Pourquoi la vitesse? Parce que la vitesse est proportionnelle à la quantité. Un médicament qui reste plus longtemps dans l'estomac et un médicament qui reste plus longtemps dans la lumière intestinale va obligatoirement avoir une quantité de résorption plus importante et de ce fait la biodisponibilité. Et c'est pour cela qu'on constate, il est dit, que chez la femme enceinte, on a une augmentation de la biodisponibilité qui est de 30 à 50% supérieure par rapport à une femme non. Je n'ai pas dit normal. On va me taxer quelqu'une femme enceinte est anormale. On est bien d'accord sur ça? Maintenant, ma question. Une question casse-tête. Piège, poison, quand vous voulez. D'accord? Est-ce que il y a une influence en fonction de la nature du médicament? C'est-à-dire que si vous avez un médicament acide, est-ce que ce sera le médicament acide qui sera plus par rapport au basique ou là le basique plus? La question, est-ce que les propriétés acido-basiques d'un médicament va influencer sur l'absorption des médicaments chez la femme enceinte? Vous cochez ou pas? Oui. Il entend, mais vous ne serez pas noté pour le moment. Donc vous pouvez être juste, fausse, on s'en fout. Eh bien, pour ceux qui ont répondu juste, c'est zéro. Allah, ça commence bien. Allez, il vaut mieux avoir zéro ici et 20 flacopies. Et de deux. La troisième fois, donc il a donné un papa avec un bandeau. Un médicament, on reprend. Si on les prenait séparément, s'il vous plaît. Séparément. On parle d'un médicament acide. En milieu acide, le pH est acide. Il va être. Milieu. Il sera sous forme moléculaire. Moléculaire, il va être absorbé. D'accord. Si je prends un médicament que vous avez donné, un médicament basique, au niveau de l'estomac, il sera ionisé, il ne sera pas absorbé. Mais quand il va se retrouver au niveau de la lumière intestinale, il sera ionisé, il va rester longtemps. Pourquoi une diminution du péristaltisme? Et de ce fait, il sera aussi absorbé. Il sera absorbé. Parce qu'il y a un phénomène. Il y a un phénomène, puisque au niveau de la lumière intestinale, j'ai dit diminution du péristaltisme. Si la diminution du péristaltisme, si vous avez oublié les interactions, j'avais dit. Ah, c'est vrai, c'était l'année passée. Monsieur, c'était l'année passée. On a oublié. Ah, en fait, j'avais dit que les facteurs d'interaction, on avait parlé, si vous vous rappelez, dans les interactions, on avait parlé de la vidange gastrique et diminution du péristaltisme. Et j'avais dit, si vous avez lu un peu le cours, que dans le cas de la vidange gastrique, c'est un médicament à caractère acide. Diminution. Donc il y a une diminution parce que si la vidange gastrique se fait, il ne va pas séjourner longtemps et il va être évacué, la biodisponibilité va être diminuée. Mais là, la vidange va durer. Il y a une diminution de la motilité gastrique. Donc il va rester plus longtemps et il va être acide. Et si je prends un médicament à caractère basique, j'avais dit un médicament à caractère basique dans les interactions, si c'est un médicament qui est à résorption intestinale. Et que ce malade, si vous vous rappelez, a pris par automédication, parce qu'il est constipé, il a évacué. Donc le médicament n'a pas séjourné longtemps, donc la biodisponibilité a diminué. Mais si vous donnez ce médicament, le même médicament, chez un sujet qui est colopathe, donc le médicament va séjourner parce qu'il a des intestins fainéants. Le médicament va rester plus longtemps, ou là parce que le médicament, parce que le malade a pris, il avait des diarrhées, il a pris un antispasmodique. Donc il y a eu une diminution du péristaltisme. Automatiquement, le médicament a séjourné plus longtemps, la biodisponibilité. Et alors? Et dans ce cas, là, que ce soit un médicament acide ou basique, la biodisponibilité augmente dans les deux cas, puisque tout dépend du lieu. Parce que dans les deux cas, il y a des phénomènes. Il y a une diminution du péristaltisme. Et il y a également une acidification. Tout dépend. Donc le caractère acido-basique ne va pas influencer. C'est-à-dire que la biodisponibilité sera toujours augmentée. Monsieur Mess, plus pour le basique. Dans les deux cas. Dans les deux cas, parce que même un médicament acide, il va séjourner. Parce qu'il y a une diminution de la motilité gastrique. La vidange gastrique ne va pas se faire très facilement. C'est pour cela que la femme enceinte, elle a deux raisons. Deux motifs quant à elle. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'elle prenne beaucoup d'eau, et c'est pour ça qu'elle a facilement des reflux. Parce que la vidange gastrique ne se fait pas, et en plus, avec la grossesse, il y a la compression. Donc c'est les deux raisons qui font qu'il faudrait qu'elle prenne des petits repas, sans exagérer, pour éviter les reflux. Et c'est pour cela, d'accord, il y a d'autres paramètres qui interviennent chez certaines femmes qui ont un peu le réflexe nauséeux. Facilement. Parce qu'avec tout, il y a la diminution de la motilité gastrique. Au lieu que ça se fasse dans ce sens-là, ça va se faire dans ce sens-là. Monsieur, l'augmentation n'est pas plus importante pour les molécules acides? Ça dépend du type du médicament, mais dans les deux cas, je voulais attirer votre attention, que là, faites attention, on va pas, vous n'avez pas le droit de dire que c'est l'acide qui va être plus absorbé que le basique, ou le basique qui sera plus absorbé que l'acide. Dans les deux cas, la biodisponibilité... augmente. On est bien d'accord? Oui. C'est clair? C'est sûr? Oui. Donc vous notez que la diminution de la motilité gastrique, du péristaltisme intestinal, ainsi que celui du pH gastrique ainsi que celui du pH gastrique augmenterait de 30 à 50% les concentrations maximales. Augmenterait de 30 à 50% les concentrations maximales, c'est-à-dire en d'autres termes, la biodisponibilité. Le schéma n'est qu'une illustration. Le schéma, je vous ai mis une répartition des compartiments chez une femme normale et une femme enceinte. La femme non enceinte a 3 litres dans le compartiment lymphatique en outre. Elle a 11 litres dans le milieu interstitiel et elle a 28 litres en milieu intracellulaire. D'accord ? 28, 11, 3. Si vous prenez la femme enceinte, le 28 se transforme en 30, le 11 se transforme en 16, et le 3 se transforme en 4. Sans oublier qu'elle a un autre compartiment additif, qui est le compartiment fœtal, d'accord ? Qui comporte 5 litres. Et là, vous avez une augmentation du volume de distribution. Et cette augmentation est variée entre 30 à 40%. Une augmentation. C'est-à-dire qu'il y a... Et cette augmentation va influencer sur quoi ? Eh bien, vous aurez des modifications hémodynamiques. En l'occurrence, une augmentation du débit cardiaque, puisqu'il y a une augmentation du volume de distribution. L'augmentation du débit cardiaque va faire quoi ? Hein ? Va faire quoi ? On parle de dysrénie, en pathologie, oh. On est en physiologie. Une femme normalement enceinte, je dis pathologiquement, normalement enceinte. Dès qu'on dit augmentation, acheter un. Voilà. Mais qu'est-ce que je parle sans acheter un ? C'est puisqu'on parle de distribution, augmentation du débit de perfusion. Débit de perfusion. De la distribution tissulaire, merci beaucoup. On a une augmentation du débit de la distribution des médicaments dans le compartiment tissulaire. D'accord ? Et vous avez également un phénomène de avant la re. Qu'est-ce qu'il y a ? Merci beaucoup, c'est le stockage. Parce que plus vous distribuez, plus le médicament va se stocker. D'accord ? Et vous avez de l'autre côté une diminution de la pression. Donc il n'y a pas de rire. Il y a une diminution de la pression artérielle. Qui est due à quoi ? Il y a une vasodilatation. Qui est un phénomène ? Qui est ? Très bien, c'est un système compensateur. Chez la femme enceinte, donc il y a une augmentation du débit et une vasodilatation. dilatation. Et c'est souvent cette décompensation, quand c'est équilibré, tant mieux. Quand c'est pas équilibré, ça va se manifester par quoi? Non. Merci, des œdèmes. Tu vas faire l'HTA. Oubliez l'HTA jusqu'au jour X. D'accord? C'est ça, vous voyez souvent les femmes enceintes avec des membres, des œdèmes au niveau des membres. Et vous avez de surplus chez la femme enceinte, toujours cinétique, physiologique, on a une hypoalbuminémie. Et si vous avez une hypoalbuminémie, quelle est la conséquence? Surcharge de quoi? Dites-nous les jumelamofida. Très bien, les molécules acides vont se retrouver sous forme d'hypoalbuminémie. Et cette hypoalbuminémie est due à quoi? Compétition hormonale. Très bien, c'est une presque, comment on peut appeler, une hémodilution. C'est le volume, il n'y a pas, c'est un problème de dilution. Le volume de distribution est important par rapport, et si on dose, on va constater qu'on pense qu'il y a une hypo sans qu'elle soit réelle, tout simplement. Est-ce que c'est une fausse? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas éviter. Hein. Regarde, celle-là, je vais faire du remplissage. C'est encore une erreur monumentale. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc ces caractères qui font qu'un médicament chez la femme enceinte, sur le plan de distribution, c'est un médicament qui va être distribué un peu partout, de par l'augmentation du débit de perfusion, et de ce fait, il risque d'être stocké. Deuxièmement, également, c'est qu'on a une diminution de la pression artérielle, donc sur le plan extérieur, par le plan, c'est plus central. Et le plus important, c'est l'hypoalbuminémie qui va faire que la forme des médicaments, là, les caractères acido-basiques vont intervenir. Si vous avez des médicaments à caractère basique, vous aurez moins de problèmes chez la femme enceinte au stade de la diabète que les médicaments à caractère acido-basique qui vont se retrouver sous forme libre. Et seule la forme libre est diffusible, parce que seule la forme libre est active qui sera responsable. Secondaire. On est bien d'accord? Oui. Donc vous notez. Les mots, les modifications. Les modifications hémodynamiques. Telle l'augmentation du débit cardiaque. Telle l'augmentation du débit. Et la diminution de la pression artérielle vont faire quoi? Vont provoquer une distribution tissulaire importante et un risque de phénomène de stockage. Donc une distribution tissulaire importante et un phénomène de stockage. Et ce phénomène de stockage va se situer à quel niveau? Là, vous êtes, c'est pas juste, c'est pas faux, mais c'est pas juste ce que j'attends de vous. Moi, j'aurais aimé une réponse beaucoup plus simple et beaucoup plus directe. Pardon? Très bien. C'est ça notre problème. C'est que la distribution, tout va aller vers les 5 litres. C'est la distribution féotale. C'est ça le problème. Même ce truc. C'est vrai que tout dépend de la nature du médicament, s'il est lipo. Mais qu'il soit lipo-hydrosoluble, tu vois, c'est, tout va passer chez le fait. Tout ce qui sera en plus va aller dans le compartiment féotal. C'est ça la problématique. Oui. Bien sûr. Oh, que là, seule la forme libre est diffusible. On est d'accord? Donc j'ai dit que les modifications hémodynamiques telles que la augmentation du débit cardiaque et la diminution de la pression artérielle va provoquer carrément une augmentation de la distribution tissulaire et des phénomènes de stockage. Notez que l'hypoalbuminémie va faire quoi? Va provoquer une augmentation de la forme libre, beaucoup plus, des molécules à caractère acide. Merci. L'hypoalbuminé va augmenter la fraction libre des molécules à caractère acide. Et ça, donc si vous avez une augmentation, la phase va continuer comme vous voulez. L'augmentation de la forme libre va entraîner le surcharge, va provoquer un risque d'effet secondaire. L'élimination. Si on a une augmentation du débit de perfusion, donc on a une augmentation de la perfusion et là de la filtration, l'obélumère. Et on constate qu'avec la grossesse, le débit de filtration passe de 480 à 890 jusqu'à 900 millilitres minute. Wow, ça fait beaucoup. Et c'est pour cela que quand la femme est enceinte, ça pose un problème. Mais ceci peut plus ou moins alléger, peut plus ou moins régler un problème. Régler le problème de quoi ? La filtration, c'est l'élimination. Quand on dit une élimination, c'est bien. C'est un phénomène de détoxification. Hein ? Non, si le débit de perfusion est très important, il peut dépasser les capacités de réabsorption, comme si c'est une diurèse osmotique. Mais ça peut être bénéfique. Dans quel cas ? Dans quel cas c'est bénéfique ? Ça peut résorber les œdèmes. Mais pour ce concernant les médicaments, on parle de médicaments. Hydrosolubles. Merci beaucoup. Non, de temps en temps, il faut faire arracher les mots-clés. Ça peut être valable que pour les médicaments hydrosolubles. D'accord ? Et pour les molécules liposolubles ? Qu'est-ce qui se passe avec ? Puisque l'augmentation du débit de perfusion, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce n'est pas des médicaments qui seront éliminés par le rein. Donc, ils seront éliminés par quoi ? Par le foie. Est-ce qu'ils seront éliminés par le foie ? Pas tous. Pourquoi pas tous ? La quantité d'engrais est dépassée. Pourquoi elle est dépassée ? Il y a plus de poids. Hein ? Qui fait ? Ils sont en hyperactivité et le mécanisme est dépassé. Non, pas le mécanisme. Qu'est-ce qui dépasse ? Il a dit que le système enzymatique est dépassé. Vous êtes d'accord avec lui ? Non. Non. Je suis d'accord avec vous pour ne pas être d'accord. Mais vous allez me dire pourquoi on n'est pas d'accord tous les deux. Pour ne pas être d'accord avec vous, vous êtes d'accord. C'est des choses que vous connaissez. La compétition. Oui, c'est des compétitions. Ce n'est pas une cas de dépassement. Parce que chez la femme enceinte, on en a parlé dans le métabolisme. Il y a une hyperactivité hormonale. Et les enzymes vont faire quoi ? Très bien, priorité. Ils vont plutôt aller sur le plan d'affinité. Ils vont dégrader les molécules endogènes et vont laisser les molécules exogènes. Donc ils vont rester un peu plus longtemps. Et s'ils restent plus longtemps, leur temps de demi-vie est grand. Ils vont diffuser au niveau fœtal et le risque est grand. C'est pour cela que je reviens au critère remaniement thérapeutique. En tenant compte de quoi ? Des caractères pharmaco-cinétiques. A donc des objectifs ? On a vu deux objectifs maintenant. Et où là. Vous notez donc élimination, élimination. L'augmentation du débit de perfusion rénale chez la femme enceinte. Passe de 480 millilitres minute. À 890 millilitres minute. De 480 à 890, à 900. Je ne vais pas vous dire que le débit coche la réponse. 889, 892. selon les critères pharmacocinétiques, on a vu l'absorption, la distribution, l'élimination. Vous êtes d'accord ? Donc je résume ce qu'on a vu. Concernant l'absorption, on avait dit qu'il y a une diminution et une diminution de la motilité, diminution du péristaltisme, diminution du pH, qui fait que la biodisponibilité augmente. On est bien d'accord ? Concernant la distribution, on a une distribution augmentée de par le volume de distribution, d'accord, qui augmente chez la femme enceinte, dans l'ordre de 30% jusqu'à 40%, et qui va provoquer une distribution tissulaire plus importante, un phénomène de stockage, c'est beaucoup plus de distribution féotale qui pose plus de problèmes. Avec le surplus, une hypoalbuminémie qui va favoriser la libération ou l'augmentation de la forme libre des médicaments à caractère acide. Quant à l'élimination, j'ai dit que l'élimination est très importante, elle augmente de par le débit de filtration glomérulaire qui peut éliminer, mais qui élimine beaucoup plus les molécules hydrogènes. Et il faudrait faire attention sur ce que je n'ai pas dicté concernant les molécules solubles. On a retenu ça ? On a retenu ça ? On passe. Est-ce qu'ils seront éliminés ? Par le rein, ils ne seront pas éliminés. Par le foie, on a expliqué que ce n'est pas pour tout, il y a un compétent. Donc il y a un retard de métabolisation et d'élimination. D'accord ? Et par l'élimination biliaire ? L'élimination biliaire. Et par l'élimination biliaire, est-ce que ils sont. Hein ? Ils doivent passer par le foie. Est-ce qu'on peut dire qu'une molécule liposoluble peut être éliminée par voie biliaire ? Si on a une diminution du péristaltisme intestinal, oui. Donc l'augmentation de la dissociation. Non, alors la réduction sera là, c'est maintenant les médicaments sont absorbés. Non, pas en trace, ils sont plus dans le niveau d'un truc. Ils peuvent subir le cycle entérohépatique, mais est-ce que l'élimination biliaire est toujours vraie ? Non, il faudrait. C'est pas ce que le mot que je cherche, c'est pas ce que j'ai entendu, c'est pas le mot que je cherche. Non. Pardon ? Non. Votre camarade, j'ai entendu, transporteur. J'ai gagné. Zéro. Très bien, c'est le terme. Pour que la voie biliaire soit considérée comme voie d'élimination, c'est F court. Et il faudrait que le médicament soit éliminé par sécrétion, par un mécanisme anaérobie. C'est seulement à ce moment-là qu'on considère la voie biliaire comme étant une voie d'élimination dixit court de Bamako. L'année passée. Voilà. Après les caractères pharmacocinétiques, on a parlé, tout dépend des réactions en fonction du cycle. Donc on va enlever selon la période d'exposition. Selon la période d'exposition. On va voir. En retard par rapport à vos camarades, et après ça, les cours d'après-midi vous fonctionnez au ralenti. Hein ? On va voir les différentes étapes, on va détailler certaines, passer rapidement sur d'autres, mais on ne va pas voir. On va essayer de voir uniquement deux étapes. D'abord, premier tiers, avant l'implantation. Avant l'implantation, c'est-à-dire entre J0 et J12. Vous n'avez pas besoin de noter la planche, il n'y a rien. Je voulais tout simplement attirer votre attention sur deux éléments. C'est que à cette période, les échanges sont très soutenus. Il n'y a pas. Donc on ne peut pas dire que le risque est théotal. Mais il faut faire attention, dans d'autres cas, un élément que je vous demande de mettre, et que j'ai toujours cité, je vous ai cassé la tête avec ça, et ça n'a pas l'air de fonctionner. D'accord ? Je ne sais pas si vous devez le prendre par voie intraveineuse pour que ça passe. C'est le temps de demi-vie. Tout dépend du temps de demi-vie. J'ai mis, tenez compte du temps de demi-vie. Si le temps de demi-vie du médicament est long, eh bien la phase d'implantation peut être dépassée. Et le médicament est toujours présent. Et donc il peut poser des problèmes. Donc il y a deux critères. Hein. C'est essentiellement que les échanges, que le risque pilotable, c'est bon, mais qu'il faudrait tenir compte du temps de demi-vie. La planche que je vais vous montrer ne fait pas. D'accord ? Vous n'allez pas tout noter. C'est tout simplement, vous allez, on va prendre note, arrêtez d'écrire. Quelqu'un estime au coup de chien. C'est de retenir tout ce qui est A, B, C, D, E. Vous le verrez, je vais vous le donner également sur une planche, mais on va le voir autrement. Ce qui est important pour la phase d'implantation, c'est essentiellement, on parle de la loi du tout ou rien. Voilà. C'est comme QCM. Chez la femme enceinte, on peut expliquer ça, ça passe ou ça casse. Madame Aken. Cela signifie, quand on donne un traitement pendant la période d'implantation, J0, J12, eh bien, soit il y a un problème sur le plan de risque, soit qu'il y a un avortement directement, soit qu'il n'y a rien du tout et qu'il n'y a aucun risque par la suite. C'est-à-dire que le développement fœtal va se faire le plus normalement. Voilà ce qu'on entend par la loi du tout ou rien. C'est-à-dire que soit il y a un risque et qu'il se manifeste par la mort, c'est-à-dire le rejet spontané, soit un développement normal. C'est-à-dire, en d'autres termes, soit que l'organisme s'est défendu contre la molécule et a pu la neutraliser, soit que l'organisme s'est défendu, mais n'a pas neutralisé le médicament, il a neutralisé la cellule, l'ovule. Il a fait une apoptose. Et à ce moment-là, il y a rejet. D'accord ? Voilà ce qu'on entend par la loi du tout ou rien pendant la phase d'implantation. Donc, vous notez que je vais vous expliquer le reste, ça n'a rien de signer l'explication qu'on a. Vous notez que pendant les 8 premiers jours de la gestation, la loi du tout ou rien s'applique. Pendant les 8 premiers jours de gestation, la loi du tout ou rien s'applique. Soit que le médicament n'a aucun effet, soit que le médicament n'a aucun effet, soit il entraîne la mort embryonnaire. Aucune étude n'a démontré que ce médicament a provoqué des avortements des effets au premier trimestre. Mais on a démontré ces effets chez l'animal. Et là, ce sont beaucoup plus des médicaments de dernière génération. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de recul pour voir ces répercussions. La classe B, on met des médicaments qui sont nouveaux. On a démontré l'effet chez l'animal, mais on n'a pas assez de recul pour le démontrer chez ce plan épidémiologique. La classe 3 regroupe des médicaments dans lesquels il n'y a ni étude chez l'animal, ni chez la femme. Ce sont généralement des médicaments anciens qui doivent être prescrits. On n'a pas démontré, il n'y a pas d'étude biographique. Mais il faudrait tenir compte de quoi ? D'un facteur, parce qu'on a parlé des trois notions, on ne pourra pas rappeler. On a parlé de la barrière, on a maintenant le rapport bénéfice-risque. Et bien là, ce sont des médicaments qui sont prescrits en tenant compte du rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que le bénéfice est supérieur de loin au risque. Que ce soit pour la maman ou la pour le fœtus. La classe 4D sont des médicaments où il y a un risque pour le fœtus. Il y a un risque pour le fœtus. Mais on doit les donner. Pourquoi ? Parce que si on ne donne pas, on a un risque pour la maman. Et si le risque, si le bénéfice pour la maman est plus grand par rapport au risque, eh bien on est obligé de les donner. D'accord ? Tout à l'heure, le bénéfice était pour les deux. Maintenant, le bénéfice n'est uniquement que pour la maman. La dernière classe sont des médicaments qui sont proscrits. Pourquoi ? Parce que le risque est beaucoup plus élevé par rapport aux bénéfices, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Là, c'est une classification que je vais reformuler ultérieurement. C'est tout simplement qu'au cours, là, on a mis beaucoup plus les études de tous les trimestres, c'est-à-dire qu'il y a 4. Si vous prenez les extrêmes, dans la classe A, il n'y a aucun risque. Dans la classe E, tous les risques. Dans les autres, c'est qu'il y a une étude qui est faite, qui a été démontrée chez l'animal, mais pas chez la femme. C'est des médicaments qui sont nouveaux. Quant aux médicaments qui sont anciens, c'est les deux. Et là, est-ce qu'on a un bénéfice, plus important pour la maman et pour les fœtus, et on peut les donner. Dans le deuxième cas, le bénéfice est plus pour la maman que, c'est pour ça que j'avais dit, qu'on choisit un médicament par nécessité réelle. Parce que la maman a besoin de ce médicament. Est-ce que c'est clair ? Oui. J'arrête les dégâts. Bon courage et à jeudi. C'est une